say, I tell you, I am a kid in the park. Hey, ring the alarm. Hey, whoa. Put a smile on your face. Strictly I tell her, I am a kid in the church. Et bonsoir à toutes et à tous, il est 21h06, on est sur Radio Campus Montpellier et c'est l'heure de Campus Hi-Fi. Notre 7ème émission, l'émission du mois de mars, c'est le printemps, il fait beau sur Montpellier et quoi de mieux que s'écouter du dub, n'est-ce pas Romain? Bien sûr, un bon lundi soir. Romain est là, toute l'équipe habituelle aussi, Ludo. Ouais, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Yanis est derrière en train de s'installer. Et ce soir, on a une grosse session en fin d'émission puisqu'on est actuellement avec Émile, Arnaud et Arthur de Salvace Sound System. Salut les gars. Salut. Salut. Salut. Voilà, tout à l'heure, on parlera déjà de vos projets, de votre label, de votre sound system, et vous nous ferez une petite session et un live. Yes. Avec grand plaisir. Ouais. Bah merci d'être venu. Ce sera en fin d'émission, vers 21h45, 22h avec le petit retard qu'on a pris. Mais en attendant, il s'est passé quelque chose sur la planète Dub en ce mois de mars. Il y a eu de bonnes soirées et il y a eu de bonnes sorties comme tous les mois. Et il y en a une particulière, une sortie électro-dub, quand même une grosse sortie. Est-ce que vous l'avez? Ça commence par un M, hein. Ça commence par un M. Ça finit par un M aussi, non? Oh. Et ça finit par un M. Et oui, il s'agit de Mahom. Et on va s'écouter un premier extrait de l'album. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. Il y a 6 jours, le duo que l'on ne présente plus nous a sorti un nouvel album pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Et cette sortie vient encore une fois prouver que Mahom est un des représentants majeurs de la scène électro-dub hexagonale actuelle. L'album s'appelle King Cat, une référence à King Kong sans aucun doute. Je laisserai Ludo parler de la pochette de l'album juste après. C'est donc un album de 12 titres sur lequel on retrouve des collaborations avec la chanteuse Louisa, notamment sur le morceau que l'on vient d'écouter, qui est une reprise de Françoise Hardier. On retrouve aussi sa voix sur le morceau Snowball, un bon stepper des familles. Enfin, il y a une autre collaboration avec le chanteur Green Cross sur le morceau Digital Badness que l'on se passera tout à l'heure. Et le reste de l'album nous donne à écouter des morceaux instrumentaux avec quelques samples vocaux habilement placés. Ce qui est sûr en écoutant cet album, c'est qu'on est bien sur du Mahom dub. Et je dirais même que c'est du Mahom dub en plus dark, au moins pour une moitié de l'album. Ils ont réussi à retranscrire des ambiances assez sombres à travers quelques steppers bien lents et massifs en y intégrant pas mal d'éléments de la trap music, comme sur le morceau Prism. A l'inverse, certains morceaux de l'album de Mahom sont complètement aériens et atmosphériques, comme le morceau Cosmic Cat qui fait office d'opening et qui m'a fait dire « Ah mais on dirait du bisou, ça c'est pas Mahom ». On retrouve aussi quelques sonorités un petit peu orientales comme le morceau Beyond the High Mountain qui nous rappelle un peu certains morceaux de leur album Dub by Sub, je trouve, ou encore la manière de sampler à la Hightone, évidemment. On ne peut pas résumer cet album en un seul mot, il nous fait passer à travers des univers tantôt sombres et industriels, tantôt subtils et aériens, mais on retrouve quasiment tout le long de l'album ces petits synthés propres à l'électro-dub qui nous rappellent qu'on écoute bien ce genre et que Mahom arrive parfaitement à gérer. Bref, ils nous ont régalé avec cet album qui est, selon moi, leur meilleur, celui qui procure le plus d'émotions en tout cas, bien qu'il ne faut surtout pas cracher sur les autres albums, évidemment, qui en auront marqué plus d'un avec le morceau The Skanking Cat de l'album éponyme. Très bon exemple. Ou encore leur avant-dernier album, du coup, Feline, qui était très très bon. Et du coup, on va écouter le morceau Digital Badness, donc avec Green Cross, qui est un peu l'ovni de cet album, je trouve, parce qu'il est en limite en mode early digital, et c'est le seul morceau de l'album qui sonne comme ça. Et après, Ludo, tu nous parleras de l'illustration. Yes. Welcome in the Digital Badness. music when me love it and the music when me practice. Jump around from the kick in the fat piece. From Kingston to New York, from London to Paris. That one your name did the digital artist. And the music when me love it and the music when me practice. Jump around from the kick in the fat piece. From Kingston to New York, from London to Paris. A real speech up, you will twist on this. Listen, the mic and give me skin a beer in a shape. Coming from the center, not the west, not the east. If number 37, two city man far from the beach. Woolly for artists, woolly for music and income. And we no lie, we are the chemists in a nation. We got style and we full of lyrics. And when we grab up the mic, we see some boy get panicked. Learn by the old depth from Jarro and Saxon. Used to ride me 45 and all the classic version. Any really mean, okay, me beat it like Jackson. Music and me life, it's a no mood and no fashion. Tell them green cross, got me coming up strong. Represent Fito City, you know me proud and me tongue. We got the wine, the beer, the weed and some pretty gal around. When we talk about music, got some bad musician. Yeah, something to make you flip and skip and dip and move your feet. It and the mic gal give me, so let's rock up in a this. Gal them wine up and down pon it. When ya hit a hit it, I go get iconic. That one ya name did the digital badness. And the music when me love it and the music when me practice. Jump around pon the kick and the fat bass. From Kingston to New York, from London to Paris. That one ya name did the digital badness. And the music when me love it and the music when me practice. Jump around pon the kick and the fat bass. From Kingston to New York, from London to Paris. The alchemist, the definite, the funny. For what we turn about, send the big bad artics. So me big up on like Sanka and me brethren artic. We not follow politics, got them took a lot it. Hey, me and my crew not spar with bad man's people. We not promote nugget and we not chop but rifles. So we do we thing and we not search for trouble. Still with a mic in a me and man never ready for a run. So listen, back on the track, I'm front of me, back on the track. Rise from the track, when you feel rise from the chat. Back on the track, I'm front of me, back from the track. And any somewhere me a chat, the crowd a bar, people on. Back on the track, I'm front of me, back from the track. Rise from the track, when you feel rise from the chat. Back on the track, I'm front of me, back from the track. And if a some boy come, me tell him in better now. Flop some music, that one your name, the digital madness. So the music when me love it, and the music when me practice. Jump around, but the kick and the fat bass. From Kingston to New York, from London to Paris. That one your name, the digital madness. And the music when me love it, and the music when me practice. Jump around, pon the kick and the fat bass. From Kingston to New York, from London to Paris. I will switch up, you will twist pon this. Listen, the mic and chemist in a beer, he gon' trip. Coming from the center, not the west, not the east. If number 37, no city man far from the beach. We live our artists, we live our music and income. And we no lie, we are the chemist in a nation. We got style and we full of lyrics. And when we grab up the mic, we see some boy get panicked. Learn by the old tip from Jarro and Saxon. Used to ride the 45 and all the classic version. Any rhythm in the game, maybe the Clark Jackson. Music and me life, it's a no mood and no fashion. Now when you name the digital bodies. C'était le morceau Digital Badness de Mahom Dub. Yes. Alors du coup, moi, je vais causer un petit peu plus dessin et graphisme. Donc, Cédric vous a parlé de King Cat, l'album de Mahom Dub. Alors moi, pour continuer sur cette lancée, je vais vous présenter Airy Design. Ça risque d'être un peu difficile hein, à raconter à la radio avec le manque du visuel que transmet ce média. En effet, Airy Design, c'est deux graphistes qui ont fait tous les visuels de l'album. Alors on les retrouve sur les pochettes des vinyles ou sur YouTube. En effet, tout l'album est accompagné d'une vidéo qui reprend pas mal de codes de Mahom, tels que le chat que vous avez sûrement pu voir déjà en concert ou session de son système. Alors cet artwork, est porté par des couleurs assez sombres évoquant la nuit et le cosmos. On retrouve beaucoup de bleu foncé et de violet. On voyage alors dans un univers futuriste et hypnotique qui s'élève au fil des morceaux vers l'espace. C'est un magnifique travail, je trouve, qu'ils ont fait et je peux que vous recommander d'aller voir ça, que ce soit sur YouTube ou sur la page Facebook d'Airy Design. On vous partagera ça, à mon avis, sur le Facebook de Campus Hi-Fi. Alors ce duo n'en est cependant pas à son coup d'essai. Ils ont déjà travaillé pour des affiches de soirée comme celle-là de Future, dans pas trop longtemps, la deuxième session du 91 Dub Clash qui se déroule en Ile-de-France le 5 avril. Et ces deux passionnés de la culture dub et des valeurs telles que le respect ou l'unité ont aussi bossé avec Black Benny Dub, Rutikal Attack ou encore Pablo Raster pour ne citer qu'eux. Ils ont un délire aussi, c'est qu'ils s'amusent également au sein de ce qu'ils appellent le lab, à revisiter pas mal de pochettes d'albums ou d'anciens vinyles en reprenant les anciens codes et les revisitant à leur sauce. Moi je vous laisse encore une fois le plaisir d'aller découvrir ça sur leur site internet airydesign.net. Sur leur site vous pourrez aussi vous procurer des vêtements au coton bio, un achat conscient puisque 20% des bénéfices sont reversés à Help Jamaica, une association jamaïcaine qui favorise les projets éducatifs. Alors voilà, c'était une petite présentation sans prétention d'un bien beau projet qui allie deux de mes passions, le dessin et la dub culture. Et c'est parti pour la suite. Merci beaucoup Ludo. Vous l'avez écouté vous cet album de Mahom alors ? Ouais, je sais pas si je suis allé jusqu'au dernier morceau, mais je sais que j'ai écouté plusieurs des morceaux. Pour ta défense, il est sorti il y a que 6 jours. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, j'ai écouté 3 fois déjà. Ah ouais, comme j'ai dit, je trouve qu'il est très très bien travaillé. Même, enfin, pas mieux travaillé que les albums précédents, il est différent, mais... Après, il y a une évolution, cette, forcément. Cette atmosphère un peu plus... De prise de risque, c'est un peu plus éclectique aussi, ça m'a bien plu. J'ai lu, je sais plus si c'est sur reggae.fr ou la grosse radio reggae, qu'ils avaient travaillé beaucoup avec Panda Dub, enfin qu'ils avaient travaillé beaucoup avec Panda Dub sur cet album. Ah oui, ouais, c'est vrai que j'avais vu une publication. Mais ça... Ça m'étonne pas. C'est pour expliquer tous ces petits sons électro-dub et ouais. Bon, on va continuer avec. Tiens, on va passer un morceau de South Attack Sound System, un morceau de Hebra Vibration avec Guardians Dub. Ce morceau, il est sorti il y a 13 jours, lui. Bon, on va s'écouter ça. We'll be right back. Et oui, et du coup, c'était un morceau de South Attack Sound System, et plus particulièrement de Herba Vibration et de Guardians Dub, qu'on avait reçu pour la première émission. La première émission au mois de septembre ou d'octobre. Septembre. Septembre, il me semble. Septembre, très probablement. Voilà, et du coup, on attend l'EP de Herba Vibration. On attend, toujours. Mais peut-être que les collègues de Salvatier pourront nous en dire un peu plus, vu qu'il y a des histoires de label. On verra ça tout à l'heure. Allez, on va continuer dans notre petite sélection radiophonique du jour avec un morceau d'actualité. Alors, d'actualité, bien qu'il soit sorti en 2002, c'est un morceau plutôt militant, voire complètement militant, du Ballet Bache Crew. Et Ballet Bache Crew qu'on retrouvera à la Meufolle d'ailleurs le samedi après-midi de 14h à 18h en sound system, et c'est gratuit. On en parlera un peu plus en détail dans l'agenda. Donc on va s'écouter ce morceau du Ballet Bache Crew qui s'appelle « Aux policiers » qui est tiré de leur album « Tir groupé » qui est sorti en 2002. Il y a beaucoup de faits divers, il y a des divers qui sont publics, où les policiers sont la cible, les victimes. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait plus les entourer, les aider ? On parle de vrai malaise aujourd'hui. Encore un policier qui malheureusement s'est fait tuer. Et voilà qu'une fois de plus, on va parler d'insécurité. Ouais, on va dénoncer la violence des jeunes des cités. Tout le monde va s'indigner d'un soi-disant manque de respect. Une mode malsaine va s'installer dans les journaux, à la télé, pour demander plus de guise et moins de liberté. Une France liquée, ha, tous humains mais tous moutons. La peur revient très vite. La droite gagne du terrain de façon dramatique. Mais reprenez les choses, aucun brûlez vos Figaro. Mesdames et messieurs, écoutez, chantez Lolo le pro. Démentir, se mentir pour attirer, bâtir, inverser, va céder, déverser nos idées pour bébé. C'est les qu'on ne sait pas, nos amis non pas qu'on n'ait pas d'amitié pour les guépis. Bien sûr, y'en a qui font bien leur taf, humain attentif, on n'en a rien à leur reprocher. Mais celui-là et celle-là le hit, et comme ça, des bons flics, c'est une minorité. Aux policiers, ce refrain, tu le connais. Aux policiers, non, nous ne t'avons pas oublié. Aux policiers, tu n'as pas fini de nous excéder. Alors, aux policiers, on chante pour contrer tes idées. Aux policiers, ce refrain, tu le connais. Aux policiers, non, nous ne t'avons pas oublié. Aux policiers, tu n'as pas fini de nous excéder. Alors, aux policiers, on chante pour contrer tes idées. Ils se prennent pour des victimes, je contredis et je dénonce en rime. Hé, cette policier tuée dans une année, mais qu'est-ce que c'est? Très très peu, c'est sûr, pour chacun, c'est une évidence. Mais les médias, c'est complice, ça doit faire flipper la France. Relayant sans hésiter les idées sécuritaires, la volonté policière d'instaurer l'état totalitaire. Ne l'ont-ils pas choisi ce travail que tout le monde déteste? Ils se prennent pour des cow-boys, c'est bien ça qui les intéresse. Mais dès le moindre incident, très très vite, ils manifestent, rêvant de plus grand pouvoir pour qu'en France la liberté cesse. C'est clair, ce soir-là, ils ont voulu se faire un flic. Il y en a deux qui sont là, allez, trac, pom pom, terminé. Si nous n'acceptons même plus la mort d'un gardien de la paix, alors je m'interroge sérieusement sur l'avenir de notre société. Et que voulons-nous donc? Des caméras, des flics armés? Plus de sécurité aux dépens de notre liberté. Ces policiers fascisants qui souhaiteraient tous nous voir nous taire sont les fers de lance, les meneurs d'une dérive sécuritaire. Ils souhaiteraient pouvoir tout fouiller, faire des contrôles d'identité sans limite et sans contrainte, frapper en toute impunité. Mais quelle dangereuse idée que ces pouvoirs illimités. Y'a déjà eu trop de bavures et trop de policiers acquittés. Une pensée pour tous se tuer sous les balles des policiers, car ça par contre ce n'est pas normal et ça ne devrait pas exister. Aux policiers, ce refrain tu le connais. Aux policiers, non, nous ne t'avons pas oublié. Aux policiers, tu n'as pas fini de nous excéder. Alors, aux policiers, on chante pour contrer tes idées. Aux policiers, ce refrain tu le connais. Aux policiers, non, nous ne t'avons pas oublié. Aux policiers, tu n'as pas fini de nous excéder. Alors, aux policiers, on chante pour contrer tes idées. C'est pas parce que ça fait bien, ça fait rebelle, ça fait gros dur. J'écris une inquiétude réelle, ça me fait flipper, je vous l'assure. Des mois, des années ont passé depuis le premier aux policiers. Malheureusement rien ne s'est cassé, tout n'a fait que s'empirer. Aujourd'hui ça ne dérange personne que les condés puissent arrêter sans contrainte et sans respect, avec l'aval des députés qui votent des lois pour gagner les voix des électeurs dépités. Des fausses méthodes de répression pour calmer l'insécurité. Mais nos idées fusent ice comme les ballards au Langaros. Maintenant espérons qu'elles se répandent comme l'odeur d'une fumée de garrot, pour fermer les bouches remplies de bêtises des réacs du Figaro. Qu'à droite à gauche on nous écoute comme les gamines écoutent Garou. On lâchera pas le combat pour mettre en pratique nos idéaux. On fera tomber le sergent Garcia, on se prendra pour Zorro. Qu'on n'entende plus jamais personne parler de tolérance zéro. Policiers CRS qui se dé ne seront jamais nos héros. Aux policiers, ce refrain tu le connais. Aux policiers, non, nous ne t'avons pas oublié. Aux policiers, tu n'as pas fini de nous excéder. Alors, aux policiers, on chante pour contrer tes idées. Aux policiers, ce refrain tu le connais. Aux policiers, non, nous ne t'avons pas oublié. Aux policiers, tu n'as pas fini de nous excéder. Alors, aux policiers, on chante pour contrer tes idées. Nous on nique pas la police, on sait bien qu'elle peut être utile. Mais doit-elle être remplie de vices ou juste faire qu'on soit plus tranquille? Ouais c'est vrai, je suis un entêté, convaincu d'être du bon côté. J'aime pas trop ce type d'autorité, j'aimerais qu'on ait rien à regretter. Aux policiers, ce refrain tu le connais. Oh policier, non nous ne t'avons pas oublié. Oh policier, tu n'as pas fini de nous excéder. Alors oh policier, on chante pour contrer tes idées. Yes, I, c'était une classic tune ça de Balébaché Crew, morceau qui s'appelait Au policier, sorti en 2002 sur leur album Tir Groupé. Ça date, hein. Mais du coup, j'avais décidé de passer ça, bah. On sait pas pourquoi. Hein. Et pas des modèles pour autant. En rapport avec l'actualité, vous vous en doutez bien. J'ai un autre morceau qui serait plus ou moins en rapport avec l'actualité. C'est un morceau extrait de la compilation How Do You Dub, volume 2, qui est sorti en octobre dernier. Alors en fait, How Do You Dub, c'est une communauté d'entraide entre dubbers sur la composition, la MAO, tout ce qui se rapporte au dub et sur Facebook. Et chaque année, il y a une compilation qui est produite bénévolement par les membres du groupe. Et donc cette année, c'était le volume 2. Et les revenus issus de la vente de la compilation, qui est en vente à prix libre sur Internet, sont reversés à une association différente chaque année. Et pour ce volume 2, c'était le collectif Stop Bure, qui lutte contre le projet CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires sur le site de Bure. Du coup, il y a un morceau d'un dubber qui s'appelle Cron Dub, qui s'appelle Stop Violence, qui a été fait pour l'occasion. Et on va s'écouter ça. Les grenades lacrymogènes GLIF-4 ne doivent pas faire l'objet d'un tir tendu et elles explosent quelques secondes après avoir touché le sol. Depuis le début des opérations d'évacuation sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes début avril, plus de 11 000 grenades ont été tirées. Thank you. qu'il faut arrêter l'utilisation des armes létales contre nous. Merci. Et c'était un morceau de Crown Dub qui s'appelle Stop Violence qu'on peut retrouver sur la compile How Do You Dub Volume 2 qu'on partagera aussi sur Facebook, la page Facebook de l'émission. Et on va sans transition passer à l'agenda de Romain. Alors on commence avec le 28 mars où on pourra aller écouter un peu de reggae à l'antirouille. Car la salle recevra Kabaka Pyramid and the Bible Rockers entre 20h et 23h. Le prix de la soirée est de 20€ et de 8€ en tarif réduit, notamment pour les pass-youth, si je dis pas de bêtises. Le 13 avril à Victoire 2, la salle accueillera la team d'Exoria et d'Exobooking pour le ExoFam. Et on pourra y retrouver Black Beanie Dub, Ashkabad et Raccoon pour une partie dub avant de finir sur de la trance avec Curious Details. Ce sera 16€ en pré-vente et la soirée se passera de 21h à 4h. Le mardi 2 avril, c'est le grand Ike Mouse qui passera pour une soirée au Méloman de 20h à minuit. Ce sera par contre quand même 20€ en pré-vente et 22€ sur place, mais ça peut valoir le coup. Le 6 avril au Méloman, une sono de 4 scoops tout droit venue de Londres sera là pour sonoriser la soirée World Reggae. La sono appartenant au Turbomatic Roots, ils seront bien évidemment présents, avec leur MC Junior Dread. Et on retrouvera également Thias Dubwise de Lightning Sound System. Et tout ce beau monde pour la somme de 7€ pour une soirée qui commencera à 23h pour se finir à 5h. Le même week-end, donc le vendredi 6 et samedi 7, on aura le festival de la Meufolle à Alès. Donc si je dis pas de bêtises, c'est 36€ pour les deux jours. Et la team de la Meufolle d'ailleurs passera dans les studios de Campus. Ils seront là sur nos ondes de 17h à 18h dans le cadre de la printanière. Merci Cédric, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Voilà. Quelques jours après, donc le 9 avril, on pourra retrouver Salvace à l'ODB le mardi soir. Et voilà, c'est ce qu'il fallait dire aussi. Et vous les retrouvez aussi dans 20 minutes en live stream sur Facebook. Voilà, pour les plus impatients. Le 27 avril au Méloman, on pourra aussi voir King Alpha and Fikir Amlak sur la sono de Walking Mess Sound System pour le Freedub Revolution 7. Ça sera de 23h à 5h pour 13€ en pré-vente et 15 sur place. Après, le 3 mai, à Fréjorgues, il y aura une soirée dub où on pourra voir Dub Invasion Sound et le sound system de Reggaescape. La soirée, ce sera pour 5€ et ça durera de 21h à 4h du matin, donc je pense que ça peut bien valoir le coup. Ouais. Et le 4 mai, un peu plus loin quand même, puisque ça se passera à Bagnols-sur-Cèze pour le MOBA Club, on pourra retrouver Martin Campbell. Et ça, je pense que ça vaut le coup de prendre sa voiture pour aller voir ça. Ça sera sur la sono de After All. Voilà pour cet agenda, et puis maintenant on va enchaîner avec la suite. Hein. Merci beaucoup Romain pour cet agenda, bon il y a de quoi faire pour ce prochain mois sur Montpellier et aux alentours. Et on va continuer, on va passer un morceau d'un artiste qui s'appelle, un dubber qui s'appelle Simba Khan. Il a sorti un album chez Marée Basse qui s'appelle Kerel. Ça fait très breton, mais ils viennent de Belle-Île-en-Mer. Et voilà, ils ont un sound system qui s'appelle Highlander Sound System. Du coup, il a sorti un album et on va en écouter un extrait qui s'appelle Economic War. C'est du gros stepper. Oui. All over the world, we want peace and love. Passe à la version de... Alors, c'est un morceau de Simba Khan, Economic War. Morceau vachement taillé, Sound System, un gros stepper qui vient de Belle-Île-en-Mer, du coup. Du coup, Salvatier est en train de se préparer. On est en train de terminer les réglages. On va bientôt passer à l'interview. Et en attendant, on va se passer une autre sortie qui est sortie chez ODG Prod. On en avait déjà parlé. J'avais parlé de l'album remix. C'est le groupe The Travelers, c'est des Bordelais. Et voilà, ils ont sorti un album qui s'appelle Take Off. Et je vous propose d'écouter le premier morceau de l'album qui s'appelle By My Side. Et à l'instant, c'était le morceau du groupe The Travelers, By My Side, extrait de leur album Take Off, qui est sorti le mois dernier, qu'on retrouve sur le site ODG Prod. Et on est avec nos invités du jour, les Salvatier Sound System. Yeah, yeah, yeah. Alors, on est avec Emile, Arnaud et Arthur. Yes. C'est ça, qui est Mitty, Capel et Lastus. Il y a un grand absent, c'est Ethnoradub aussi, Ethnorado, qui est en Amérique du Sud. Le voyageur. On lui fait un big up s'il nous écoute, si t'en jamais. déjà, merci d'être venu, d'avoir répondu à l'appel Campus Hi-Fi. Ça merci pour l'invitation. Que vous soyez là. Du coup, on va parler de votre projet un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est né? Tu vous laisses parler. Bah ça fait super longtemps qu'on se connaît en fait. Déjà on est potes depuis des années, hein, depuis la primaire, le collège, tout ça. Et on a toujours fait un peu de musique ensemble. Avec Mitty on a eu un groupe de métal ensemble quand on était en 6ème et tout. Et enfin on a toujours eu ce truc là de faire de la musique ensemble. Et il y a un truc qui s'est déclaré un peu officiellement autour de Salvatch, je sais pas, il y a 5 ou 6 ans. On s'est dit ok, Salvatch c'est nous quatre et... Tu dis Salvatch et pas Salvatché? Salvatch ou Salvatché, les deux. On a eu droit à beaucoup, okay, beaucoup de surnoms. On a écorché notre nom plein de fois, du coup on s'accommode. Salvatché, Salvatch. Les deux nous plaisent. Tout va bien. Et du coup, voilà, on faisait de la musique dans nos chambres. Et puis, en fait, on a réussi à mélanger des influences parce que bah, y a une grosse influence reggae, dub, une influence hip-hop aussi. Et puis. Électro aussi, parce qu'on a eu la culture de la musique électronique, on l'a dans le sang depuis longtemps. Ouais, il y a des teufeurs un peu dans l'histoire, là. et voilà, du coup, des morceaux dans nos chambres, c'est passé à des premières petites dates sur Sono. Et en parallèle, en fait, il y a eu la construction d'une Sono. Qu'on a entrepris avec nos petites mains et qui tourne bien depuis. Ouais, c'est vrai, on vous voit beaucoup tourner avec Souls Attack notamment. Vous avez d'autres projets aussi avec Souls Attack où il y a une histoire de label. Ouais, exactement. Bon, alors en ce moment c'est un peu en dormance parce que on a aussi des projets à côté et tout ça. Mais on est en train de monter un label. Le label marche, enfin pour l'instant. Il y a des compiles qui sont en création. Le label, on va le nommer quand même. Sub Squad Production. South Underground Brother Production. Voilà, donc c'est un label. Qui est voué à être plutôt local, c'est-à-dire genre on va dire Montpellier, ses alentours, Avignon, Toulouse, tout ça. Donc nous on cherche beaucoup de producteurs pour essayer d'avoir le plus de visibilité tous ensemble en fait. L'idée c'est d'avoir un site avec des projets en téléchargement libre, de partager pas mal d'événements, les événements du coup des artistes qui seront en lien avec le projet de label. Du coup y a ça, il y a aussi la sortie de compilations avec de nombreux artistes, y compris qui ont déjà de la notoriété, les Wilders Hi-Fi, iWake Sound, Bisous, voilà. Donc du coup nous ça nous donne aussi de la visibilité et merci à eux, voilà. Et tout ça en téléchargement libre sur southundergroundbrother.com, voilà, sur internet. Le site est pas trop vu ces derniers temps parce que c'est pas très actif, mais du coup il y a des projets qui sont en cours là, notamment avec les South Attack, il y a un premier EP qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Moi-même je suis sur un projet, un mélange de dub et de trad. Il y a des choses qui sont en train d'arriver, donc il y a des projets qui sont en studio, des projets qui sont en finition là, et donc du coup ça devrait embrayer assez rapidement. Bon, on attend ça avec impatience, ouais. Un beau programme. Et d'ailleurs, votre compile Sub Squad Prod Volume 1, ouais, elle a été sélectionnée dans les compiles dans les bits. Six mois après, ouais, voilà. Donc du coup, personne ne nous a contactés, personne ne nous a rien dit, et puis on s'est retrouvés avec dans la liste le nom de notre compile, alors que c'était complètement, bah nous, ce qu'on a fait, c'était complètement autodidacte. On est allé voir des artistes, et puis on leur a dit, est-ce que ça vous dit de mettre un son sur notre compile? Et ils ont tous accepté, mais personne n'est venu nous contacter pour quoi que ce soit à côté. Du coup, ça nous a fait kiffer, mais à retardement. Quoi. Et oui, et c'est d'ailleurs c'est dommage parce qu'on aurait pu faire notre com là-dessus et puis avoir encore plus de visibilité. Et au final, on s'est rendu compte, la liste, elle s'est affichée 6 mois après. On est dedans, on est à la fin, mais on est déjà dedans, c'est pas mal. On parle de nous sans même que nous on parle de nous-mêmes. C'est une très belle surprise. Voilà. Alors on vous retrouve Salvatché mardi. Non, pas mardi. Le 9 avril. Ce sera un mardi, mais un peu plus longtemps. Le 9 avril à l'Audibi. En fait, ça fait un an et demi qu'on était résident là-bas, qu'on faisait une date par mois le 3e mardi du mois. Et du coup, une fois qu'on avait fait tourner un peu notre public local, nos potes et tout, là sur nos deux dernières dates, il y avait moins de monde et on était plus sur de la sélection que du live, quoi. Du coup, on a décidé d'un commun accord avec l'Audibi de faire une date trimestrielle où on essaye du coup de fusionner, pourquoi pas faire des dates avec les SAO, c'est de rassembler un peu les forces. Et du coup, la première de ces dates trimestrielles, c'est ça, c'est le 9 avril. Faire une grosse soirée scandaleuse. C'est ça. On retourne le DB le 9 avril, voilà. Que ça se sache. Et des sorties de Sono prévues prochainement ou... au printemps. On attendra cet été, peut-être, travaille pas mal avec Garrick Session aussi, une association sur Montpellier, qui eux ont l'avantage d'avoir le statut associatif. Et du coup, là, on recherche surtout un terrain. On avait une possibilité sur lequel il y a eu quelques essais. On a un gros problème de parking et de stationnement. Du coup, ça reste encore à l'étude et on est en contact avec eux, mais on vous promet du lourd pour le printemps. Ouais. Et ah, le beau temps arrive, les sessions aussi. Quoi. Mai, ouais. Juin, ouais. Peut-être des sessions en salle. Ça discute un petit peu avec Subsquad. Subsquad, du coup, de faire des sessions avec des artistes importés qu'on connaît pas nous-mêmes. Pour chacun, qui ont participé aux compilations, voilà, ce genre de choses aussi. Voilà, voilà. Et sur, certainement en salle, parce qu'au final, c'est très très difficile de sortir, d'être en extérieur, d'avoir un cadre légal en extérieur, de pas se faire emmerder par les riverains, tout ça. Donc voilà, c'est des sacrés projets à chaque fois, ça demande beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, bah, s'il y a des gens qui sont en proposition, qui cherchent à organiser des événements sonorisés, qui ont pas trop de sous, donc du coup, bah, on peut travailler ensemble parce que nous non plus on est carré, on laisse le site bien, on voilà, est propre. On ça, est... ça surtout, on laisse vraiment le site ouais. très bien. On tout est très bien conçu là il y a avec une belle équipe chez Garrick Session, voilà, avec des gens qui sont prêts à travailler au bar, voilà, sur le site. Ils ont c'est toujours ça, fait des bons événements. Très très bien géré. Donc merci à eux pour les dernières sessions et choses où voilà, où nous on était un peu à la ramasse et du coup on s'est bien. Ah, c'est compliqué de gérer le son et l'aspect oui. organisation. Donc voilà. On unit les forces à ce niveau-là aussi. C'est ça. Yes. Voilà, voilà. Ok, bah du coup, ouais, on peut vous retrouver sur votre page Facebook en attendant. Absolument. Ouais. Salvace Sound. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est la page, une page SubSquad ou pas? Oui, on a une page SubSquad sur Facebook. On a du coup subsquadprod.com sur internet directement avec tout ce que j'ai dit, un agenda, des projets en téléchargement libre. Et donc du coup, voilà, c'est la promotion d'artistes locaux. Donc on va à notre vitesse, on est tranquille. Il n'y a pas une sortie tous les mois, mais ça a une belle gueule déjà. Ça a une belle gueule, yes. Voilà. On est c'est vrai que vous avez fait faire des mixtapes aussi à des sound systems ou des assos. J'ai vu ça tout à l'heure d'ailleurs. Du coup, on en a une qui va certainement pas tarder. On attend un petit peu des nouvelles des Travel Sound pour en sortir encore une nouvelle. Mais du coup, c'est un peu des projets parallèles, les mixtapes. En fait, étant donné que c'est pas énormément de travail pour nous d'aller demander une mixtape, c'est une bande audio qui dure une heure. C'est l'artiste qui travaille dessus et nous, on n'a pas beaucoup de taf à faire derrière à part faire monter notre page et tout ça. La diffusion. Donc, nous, ce qui. Là où on a un gros travail à faire, c'est sur la com des projets vraiment et sur le montage de la com en amont et puis derrière d'avoir une page propre avec quelque chose qui satisfait l'artiste et surtout lui donner de la visibilité au maximum au travers du site. Parce que plus on va en avoir, plus on va en accumuler, plus on aura de visibilité et donc c'est ce qu'on cherche quoi. C'est les petits jeunes qui commencent, qui n'ont pas encore sorti de projet nulle part, qui sortent quelques sons sur SoundCloud, et bah, on cherche à essayer de leur faire sortir un vrai projet, qui sortent un petit peu de leur trip, et voilà, quelque chose de comme une carte de visite, et après voilà, si ils sont visibles, c'est tant mieux, et on sera contents. Et nous aussi. Voilà. Là, on sera là pour relier en tout cas les sorties de SubSquad Prod. Du coup, vous êtes venu, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec un petit peu de matériel, un petit peu de disque. On va faire un petit aperçu de ce qu'on fait, ouais. Du coup, si vous êtes prêts, ça va être. On va se lancer une track en attendant. Une track des Wilder Sci-Fi, d'ailleurs, que j'ai tiré de votre compil SubSquad Production, compil volume 1 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et la track s'appelle Philosopher's Stone. Le temps que vous vous mettiez en place, voilà, et on retrouve ça en live stream sur Facebook et sur les ondes, bien évidemment. We'll be right back. Yes, vous écoutez Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier. Et ça y est, les Salvatche Sound sont prêts. Les gars, c'est quand vous voulez. Yo yo yo, c'est Salvatche Sound sur Radio Campus. Ah, boum, merci pour l'invitation. Salvatche Sound. Salvatche Sound sur les ondes. Capelle Bassa, l'astuce, Mickey Warrior. On commence avec une prod de l'homme que l'on nomme Rog. Ah, boum, ah, boum, les aléas, les aléas. Je rappe ma vie, ces aléas, mes galères, rien. Rêve d'une mousse dégustée dans les baléares. Ma mission, faire sauter leur cadenas. Je ne plaque pas, j'envoie les camés à l'hosto. Ils font fausse route si ils se croient assez costauds. Ils finiront dégustés par les corbeaux. Ou bien des corps moches, ou bien des corps mourants. C'est remplissant l'avance de corps mourants. C'est dingue, mais j'ai l'impression d'avancer sur des sols mouvants. Les junkies de ma ville ont de quoi devenir tous tout blancs. Comme neige qui fond au soleil. Du coup, je bobsleigh sur de la terre battue par la main de l'homme. Quand il convoite le bien de l'autre, le diable, lui, vient de l'autre. De là le drame, sans trace, brise tes frères, brise tes rêves et tout ça pour une herbe à trop de rôle gramme. Et je dois avouer que toute cette merde me bouleverse. Voulant aller de l'avant, j'ai tout fait. Je me suis même perdu, privilégiant de faux fou rire au fou rêve. Au fond, ce que je souhaite, offrir à mes gosses un monde meilleur dont la beauté ne serait pas synonyme de blonde maigre. Je sombre merde, je toise ma vie, j'efface quelques mots pour me retrouver face à une ardoise vide. Serre-moi une cervoise vide, je suis d'humeur crivoise, ivre et je déambule. Vous offrant quelques rimes en guise de préambule et si l'ambiance est détendue. J'en profite pour faire kiffer mes straps et faire briller mes stats en toi. Et ouais, comment ouais. L'ambiance, l'ambiance est smooth. Un cône vert dans la bouche. Laisse faire que j'exprime ma folie douce. L'ambiance est smooth, smooth. Un cône vert dans la bouche, bouche. Laisse faire que j'exprime ma folie douce, douce. Radio Campus. Les aléas sont les tournures imprévisibles des choses. Comme ces excès de verbes qui font que je m'utilise mes prose. Certains ont tort de taire leurs hymnes de l'amour. Vas-y, observe le monde à la loupe et tu verras ce qui irrite les mômes. Leur boîte noire en couleur n'est qu'un objet risible et glauque. Mentalité de funambule, les esprits fins fissurent de plus en plus. Les aléas font que les moments de bonheur sont assez rares. Tu peux passer des années à aléa. Droite à gauche, échanger de cap parce que partout c'est pas les pattes. Allez, va de sec, je suis du genre aléa, Jacques Tabreur. Je kiffe, cramer le pollen entre associés. Cracher le golem du fond du gosier. Rapper mes textes, fait des atrophies. Et pas trop fier. Dans ce monde il paraît que si t'es fort tu restes. J'en déduis que si t'es faible tu trinques. L'alcool resserre son étrin. Et je crois que j'en jouis quand je m'esquince. Dans les tempêtes de mon crâne, y'a bien longtemps que j'ai pris le contrôle des saisons. Je trace mes cartes, les livres ont tort, j'ai raison. Je parcours le monde avec la soif de vivre. Et dès que je croise son sirop, et ouais j'en bois des litres. Savoure, savoure, et s'il y a de l'amour, j'accours, j'accours. À quoi ça sert de vouloir enterrer une jeunesse qui brûle les planches. Je crains par l'arbre, prendre la hauteur, je préfère ce monde vu des branches. On fait de la musique parce que cette vie a plus de sens quand les gens hurlent. Les qualités de mes congénères, impérissables, intemporels comme congelés. Les congelés survolent, je plane au-dessus d'eux, je suis une ombre ailée. Je plane au-dessus d'eux, je suis une ombre ailée. Elle est comment l'ambiance? L'ambiance est smooth, un cône vert dans la bouche. Laisse faire que j'exprime ma folie douce. L'ambiance est smooth, smooth, un cône vert dans la bouche, bouche. Laisse faire que j'exprime ma folie douce, douce. Et tu sais quoi, j'ai encore plein de cartouches en stock, mais je tire que sur mon spliff. Capel a encore plein de cartouches en stock, mais tire que sur son spliff. Mithy a encore plein de cartouches en stock, mais tire que sur son spliff. Edno a encore plein de cartouches en stock, mais tire que sur son spliff. Radio Campus a encore plein de cartouches en stock, mais ne tire que sur ses spliffs. Salvatche Sound. Ah boum, ah boum, ah boum. Yes, merci Rog. Allez, next tune. Ya ya ya ya ya. Celle-là s'appelle Les Frères. C'est pour tous les frères et sœurs d'une autre mère. C'est pour eux là, les Salvatches. C'est pour la team, c'est pour les gros, c'est pour c'est les histoires de famille. C'est pour mes frérots, Damien et Antoine. C'est yes. Pour tous les frères autour de nous. Aïe aïe aïe. Celle-là c'est pour mes frères. Celle-là c'est pour mes frères. Celle-là c'est pour mes frères. Celle-là c'est pour mes frères. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Celle-là c'est pour mes frères qui ont le diable au corps. Ceux qui réfléchissent aux conséquences qu'après coup. Les bêtes à cornes qui foncent tout le temps tête baissée. Logique qu'avec mes srabs on porte le signe du taureau capricorne. Que des valeurs de partage et d'amour dans ma grande clique. De cette synthèse on tire un produit pur dans l'alambic. Le chantier est perpétuel comme à la Sagrada Familia. On pose les pierres de notre royaume et crée des armadas par milliers. Personne ne fabrique une famille avec des racines en plastique. Depuis l'enfance nos destins sont liés par des schémas empathiques. On se vide les poches dans le but de remplir nos en verre pour faire grandir nos rêves. On vit très proche, pas d'importance que le verre soit moitié vide ou moitié plein. On le boit cul sec, pas mon problème. Si toi t'es ivre et moi je suis bien, faire de beaux gestes techniques ne veut pas dire que tu mettras le but. C'est une saison entière de classico qui sera sur notre album. Pas de faux semblant comme un vinyle, tu peux nous lire recto verso. Si on est dingue, c'est que la fée verte nous a chopé direct au berceau. Allume la frappe, prépare la piste, mais lui on se jette dans le cerceau. C'est sur mes straps, sous aïe sec comme on est sur ressort. Sois pas surpris du sursaut. On fait cette musique par amour des nôtres sans miroiter les PC tasses. Le but, laisser des traces quand il sera l'heure, partir vers les étoiles. Ouais, ouais, on fait cette musique par amour des nôtres sans miroiter les PC tasses. Le but, laisser des traces quand il sera l'heure, partir vers les étoiles. Le triple S laisse résonner sa voix aux quatre coins du monde. Encaisse le choc, nos basses font de l'onde. Y'a pas de mensonge, les qualités du son font le nombre. C'est une averse de face quand on injecte de l'art. Le coup retourne le temps, inverse le sable. On suit notre route, notre bonne étoile indique la cible. Si tu croises la chaleur des braises, invite la vie, t'es danse. Danse, danse avec les flammes. Nourris ton âme comme la plus belle des femmes. On veut nos mélodies en tête jusqu'à notre dernier souffle. Écoute les cris du singe, du lion, du lézard et de l'ours. Vise, tire et plante la flèche en plein cœur. À la base, ça part d'une note et ça finit en banger. On croque dans cette passion en appréciant un goût de fruits rouges. On n'écoute plus les grands discours, y'a moins de paroles que de bruit louche. Apparemment, certains sont prêts à tout plaquer pour l'or. J'applaudis une fois. Leurs efforts sont claqués pour l'heure. Aucune monnaie n'a le pouvoir d'acheter les vraies valeurs du cœur. On a donc rassemblé nos billes, il semblerait que ça valait le coup. Si nos politiciens sont tous perdus dans leur travers d'escrocs, que personne ne s'étonne si ma jeunesse consciente asserre ses crocs. Allez. Hey yo. Ok, next tune. Ya. Mitty up on the mic. Ciao ciao. Pour les petites gens. Yes. Ok, Radio Campus, Wagwan. Aboum, aboum, aboum. Salabat Sound System. Why. Respecte les petits gens. Et ceux qui font des merveilles avec peu d'argent. Les petits gens. De l'or dans les malades, des brouilles dans le sang. À ceux qui galèrent pour ne rien gagner, mais qui ont dans le cœur un jardin partagé. Quand la connaissance est la plus belle des richesses, le respect du savoir-faire synonyme de sagesse. Les déchets et les fruits, ils en font des pouettes. Pas besoin d'embauche pour dompter la paresse. Pas besoin d'être riche pour bouger ses fesses. Et... No. Meet you up on the mic. Boum, salvatsu. On vient te dire que respecte les petits gens. Ceux qui font des merveilles avec peu d'argent. Les petits gens. De l'or dans les mains là, des bouilles dans le sang. Assieds-toi donc là, convenablement. Qu'on relève nos manches, qu'on lave nos mots. Toi-même tu sais combien nous la mettre. Viens donc bosser qu'on les mette à l'amende. Pas besoin de moteur, juste de voile et de rame. Pas besoin de conteneur pour construire une cabane. Pas besoin d'un tracteur pour faire un potager. Pas besoin de viande dans l'assiette pour devenir musclé. Pas besoin de gros matos pour faire du gros son. Pas besoin d'être artiste pour écrire une chanson. Pas besoin d'un gros 4x4 pour rouler en ville. Pas besoin d'un centre commercial pour survivre, non. Pas besoin de tout ça. Toi-même tu sais, juste besoin de tes mains pour avancer. Hey. Respecte les petits gens. Ceux qui font des merveilles avec peu d'argent. Les petits gens. Le débrouille dans les malades, débrouille dans le sang. Donne-toi les petits gens. Les petits gens. Les petits gens. Hey. Chou, chou, chou, chou, chou. Yeah, Campus Sci-Fi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes chaud? Assieds-toi donc là, convenablement. Qu'on lave nos mots, qu'on relève nos manches. Toi-même tu sais combien nous mentent. Viens donc bosser qu'on les mette à la menthe. De boy, chou. Tout. système again. Show la flamme. Yo, allez, next tune. Aperçu. Écoute la voix de Coluche. On est balèze en France. Il y a des trucs qu'on est vachement balèze. Pour tout, mais il y a des trucs qu'on est vachement. Il y a des trucs. En politique, on est vachement balèze. Et en politique, on est plus balèze en politique. Surtout en politique française, hein, on est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie. Hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Je vis dans un monde où l'indécence nous fait sans cesse les yeux doux. Quant à la bienveillance, elle s'est muée en luxe de vieux fou. Je préfère tout vivre pauvre, mais l'esprit sain. À quoi bon courir seul? L'esprit c'est ils veulent vivre riche et mourir jeune. Tout sur la toile comme s'il n'y avait aucun avenir à esquisser. On se noie dans des verres d'eau, achète des litres à l'épicier. Le péril jeune, mange peu, se censure, sort sous de nos histoires s'écrivent seul. Jeune élégant, je pratique la danse du ring, box, pète les dents et je suis très bien une droite extrême à la famille Le Pen. Je garde le sourire à chaque soupir, même quand Harry le pèse. Et non, je vais pas le répéter, les plans de leur système est pété. Ça fait longtemps qu'on fonctionne sans leurs paramètres. On vit cette vie comme dans un film sans les sponsors de la Paramount. Tous connectés les uns aux autres, façon directe. Pas besoin de parabole quand je parle à l'autre. Ça accroche car je m'accommode facilement de ces paradoxes. Crois pas qu'une allumette souffre, crois pas qu'une amulette sauve. La vie c'est pas évident, y'a ceux qui sont avides et ceux qui osent. Qui n'aura pas peur de se colorer la face avec des échymoses. Tu roules de joue parce que t'as trop bu ou parce que t'es timide. Chasser les mouches et ne pas louper le coche quand la pessimiste. Une clope est toujours moitié fumée, je veux pas faire le pessimiste. Où est le maximum de l'homme et où sont ses limites? Certains trinquements, la solitude, le froid, les craquants. De l'autre côté de la vie, des bulles s'élèvent dans des flûtes en cristal. Silence faisant et cristal. Mon frère, jamais la mort ne procrastine. Pas de casting pour savoir qui finit, ils disent à tailler à la serre. Des bouches mûries mais brûlent la gorge comme un trait de votre casseur. Aïe aïe aïe. J'ai déjà perçu le mal perçant par aperçu, soit versé par ma plume en appréciant l'épaisseur. Balle perdue puisque le sort des pauvres passe après ça. Mon stylo appuie sur l'impression des oppressés. Un bon discours politique, voire deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et si possible, que les deux soient plus mal possibles. Chaque aperçu, même hyper court, frappe ta tête comme un hypercute dans l'opercule. Nos têtes, y'a un couvercle, je trouve ça hyper mûr que les changements ne s'opèrent plus. Paye ton cancer moins cher comme au percus avant que ce climat ose percu. Notre travail porte ses fruits, mais y'a du vol à l'étalage. Cultive notre vie sans faire à cheval quand on parle l'âne et les talents. Ils ont les liasses et les diamants, nous on a l'art et le talent. C'est nos billets qui sont planqués sous leur matelas, mais jamais nos politiques car ça non. Pomper le soleil s'il pouvait, donc c'est normal qu'ils marchent à l'ombre. Toujours pas peur du feu, on joue avec, parfois jusqu'à nous exciter. Nos envies de révolte nous trouent la tête. C'est juste une suite logique si nos cités crament. Je vois de la beauté dans une voiture de flic qui brûle. Et par-delà les flammes, quelqu'un viendra sauver ce petit qui hurle. Quel est le but? Éliminer le milieu des malaises. Les limiers et les milices. Moi je milite, je fais le meilleur en démêlant les malaises. Je ne me lasse pas d'aimer l'autre. La rage au ventre depuis tout petit, je suis tombé dedans comme Obélix. Je pisse sur l'assemblée et laisse mon glace sur l'Obélix. Députés protestent avec une voix pleuvoir des coups de bouche. Mettons les clous sur leur fauteuil de bleu rouge. L'honnêteté alliée au courage, mes qualités impérissables. Nos élus sont des clowns incapables de montrer leur vrai visage. Je fais bouillir mes idées noires et je sais que où je peux. De cette situation n'espère rien, ils ont le double jeu. Habitués, leurs décisions les plus claquées nous trouvent le feu. J'ai plus de questions à poser, je crois qu'il est l'heure de foutre le feu. Je crois qu'il est l'heure de foutre le feu. Le mal perçant par aperçu, soit versé par ma plume en appréciant l'épaisseur. Balle perdue puisque le sort des pauvres passe après ça. Mon stylo appuie sur l'impression des oppressés. Parce que normalement il y en a tout le temps qui gaulent du pognon. On dit il est parti avec la caisse. Normalement on a pas le droit de piquer dans l'état. C'est écrit dans la constipation de 1958. Bonne histoire qui manigance. Mais les mecs tu penses, une fois qu'ils sont là hein, on dit au lieu de mettre des crédits pour les écoles, ils en font pour les prisons, tu parles. Quand t'es ministre, s'il y a un truc que t'es sûr, c'est que tu retourneras pas à l'école, hein. J'ai déjà perçu le mal perçant par aperçu, soit percé par ma plume en appréciant l'épaisseur. Balle perdue puisque le sort des pauvres passe après ça. Mon stylo appuie sur l'impression des oppressés. Ça va te sound. Y Ya ya, toujours avec Salvat Sand sur Radio Campus. On va passer à un bail un peu plus dub. Boum boum. Aboum. Aboum, aboum, aboum. Salvage Vibration. C'est le Salvage Sand qui revient jouer. La famille. Sad Squad Production. Hey. Salvage Vibration, Aficom, Aficom. En todas las lenguas, sensing competition. Salvage Vibration, elle est sauvage, elle est bonne. Dans toutes les oreilles, des Alpes jusqu'à la Garonne. Salvage, c'est Salvage Vibration, Aficom, Aficom. En todas las lenguas, sensing competition. Salvage Vibration, elle est sauvage, elle est bonne. Peut-être un jour, qui sait, on nous entendra à London. Bien là-bas, ben dans la garrigou au maquis. All the people are welcome in this place to bandy. Cette vibration est unique, concentrée mais éclectique. Pas de plagiat, pas d'adage, des vibes 100% la hit. Salvage Sand dans le périmètre, un missile de plus dans les décibels. Frère, sois ce que tu décides d'être, pas de faux semblant, il périme l'être. Depuis que j'utilise une plume, je me libère de l'an qui m'attache au sol. Je me lève des vis qui me tâchent aussi. Je m'entoure de mes refs, c'est mes associés. Je parle des problèmes qui nous touchent chez cible. Conan, avare, costard, cravate, tocard à droite, austère, pas moi. Conan, avare, costard, cravate, tocard à droite, austère, pas moi. Attention, politicien. Pour moi, il n'y a pas de marge dans le système. Ce sont les valeurs d'amour et de partage qui m'entraînent. Pourtant, la lutte des classes est le dilemme. On en a plus qu'assez, alors brisons ces chaînes. Le partage des idées est du manque à gagner. Voilà ce qui m'anime, c'est ma félicité. Être honnête et généreux avec mes congénères. On se sent si bien quand on est entouré de frères tapés. Salvage Vibration, Aficom, Aficom. En todas las lenguas, dancing competition. Salvage Vibration, elle est sauvage, elle est bonne. Peut-être un jour, qui sait, on nous entendra à London. T'as compris les basses et le Salvage Sand. Je découpe les phases et mes sauvages grondes. Débouche les bouteilles et les breuvages sombres. Enfin quelques verres, on veut tous la seconde. À part sur l'espoir dans chacun de nos tracks. Et sans système. Que des coups de valse contre leur système. Donne de la force à tous les sous-systèmes. Donne de la force à tous les oubliés. Pas de panique, ça c'est magique. Pas de tragique, additionne les mots, c'est mathématique. Les soirées s'enchaînent, l'assaut notre monde. L'inertie chasite, il y a trop de monde. Salvage Sand, inali air. Salvage Sand, inali peace. Salvage Vibration t'emmène, it's full on crafted. Tes premiers traits sur papier, ressonnent dans tes oreilles. T'as la foule ou au contrôle, en mode selecta ou dancehall. L'agriculture et le son, c'est ce qui nous fait vivre. Viens voir, tu pourras lire en nous comme dans un livre. Badabang, on n'en a que faire des paroles et des préjugés. L'important pour nous, c'est que tout le monde soit égayé, ça fait. Boum dans les salles de Montpellier. Des tonnes de rimes, je deviens foyer. Ça parle une phase. Mon arrêt est une base, jamais dans les cases. T'as capté le blast, l'esprit de famille se perpétue. Les soirées d'été sont des prétextures. De bouche le pastis quand la foule s'agite. Éprouve la magie quand la foule s'acquitte. Il y a de l'amour dans chacun de nos tracks. Que des goûts de vibes contre leur système. Donne de la force à tous les sous-systèmes. Donne de la force à tous les sous-systèmes. Per tutto lo marginau che più l'aime la libertà. Salvage Vibration, Aficom, Aficom. En todas las lenguas, sensing competition. Salvage Vibration, elle est sauvage, elle est bonne. Dans toutes les oreilles, des Alpes jusqu'à la Garonne. Salvage Vibration, Aficom, Aficom. En todas las lenguas, sensing competition. Salvage Vibration, elle est sauvage, elle est bonne. Peut-être un jour, qui sait, on nous entendra à London. Alors je souhaite à tous les gens qui se sentent seuls de venir danser qu'on se fend de la gueule. Alors j'en appelle à tous ceux qui se retrouvent l'aune de venir bouler gay et éclater des cônes. Yes, allez, next tune. C'est une petite dub plate from Sand City. River Party pour River toutes les soirées d'été bien arrosées. Ok. Allez. Brainless Sound System, Salvage Sound System. Ok, Radio Campus Wagwan. Salvage sound in the area. Ah boom. Comfy commit a murder. Why let me tell you? The one your name summer party. What let me tell you? We got a summer party. We finish it at the Robadub. People are getting crazy. We finish it at the Robadub. Lord, think we got a summer party. We finish it at the Robadub. Somebody, people are getting crazy. We feeling in a Robadub. In this world full of brawling capitalism, people call the government trying to steal the citizen. In this rocket party full of peace and the money, people lose their temper and start getting crazy. So we have to stop them with the technology. But we wanna end the men or relax their body. Next to my swimming pool, marijuana and make me singing like a fool. We got a summer party. We finish it at the Robadub. Some bitty skeng. People are getting crazy. We sing it at the Robadub. Come and say Salvage song. We got a summer party. We finish it at the Robadub. Lord. Feeling bad, completely stunned on the floor. And pull up, select that, go back to the dance floor. Well, I'm feeling the vibration. We are singing without any frustration. I like the smoking and jumping on this almighty sound. Just like my Tyson, we're fighting his last round. We don't need no politics, but I want no school and no fight. There's some friend in the microphone makes us feel alright. We got to river party. We finish it at the Robadub. People are getting crazy. We feeling it at the Robadub. Lord, follow me. We get a summer party. We finish it at the Robadub. People are getting crazy. We feeling it at the Robadubs. Come follow me now. Riding the lyrics with my wicked affirmance. Sensitive representing the Salvage sound system. Well, I'm feeling the bass in a bad obsession. I tell you this, ya one, ya make you rock and gather round. Tell your French policy is a cruel reality. If you wanna toast beef, they will take all of your money. We should make a revolution of peace and music. Because when we sing, it's like a therapeutic. We got a summer party. Finishing a Robadub style. We got a summer party. We are finishing a Robadub style. Robadub style. Robadub style. Robadub style. Yeah, allez, on passe sur de la sélection maintenant. On va passer sur un petit peu de digital pour commencer. Yes. Bye. Hey. Désorganiser la masse populaire, c'est ce qu'ils veulent. Diviser pour mieux régner, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, t'aboutir devant la télé, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, afin de te contrôler et faire ce qu'ils veulent. La terre n'est pas infinie, écoute bien ces paroles. Politicien, économiste, je sais bien que tu rigoles. Mais tes enfants finiront comme nous. Badabang, dans le ventre de la terre à sucer des cailloux. Politicien, bureaucrate, je vois bien que tu rigoles. Mais ne compte pas sur nous pour faire de toi une idole. Tu as corrompu nos droits et pourri notre école. Tu as vendu ton pouvoir à ceux qui méritent la tôle. Ça fait désorganiser la masse populaire, c'est ce qu'ils veulent. Diviser pour mieux régner, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, t'aboutir devant la télé, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, afin de te contrôler et faire what. Je ne suis pas un stratagème, mais je n'aime pas les gens sans gêne qui profitent du système, ces opportuns qui nous malmènent. Moi c'est l'humilité que j'aime, mais chaque jour je me démène pour laisser à ceux qui peinent une place de choix dans l'arène. À toi et moi de faire ce choix pour que jamais l'on ne soit moins important par nos voix que celle des riches et des bourgeois. À toi et moi de faire ce choix pour que jamais l'on ne croit que notre place de roi vaut plus qu'un travailleur chinois. Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes. pleine médiocrité de sur le fait jeter la faute, faute, faute, faute, faute, faute, faute. Désorganiser la masse populaire, c'est ce qu'ils veulent. Diviser pour mieux régner, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, s'abattir devant la télé, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, afin de te contrôler et faire ce qu'ils veulent. Tchao! The boys, shut, shut, shut. De contrôle sur la sélection. Kapelbasa a. Sound, oh, I'm talking about this sound. Hey, you have to line up, a line up for me that it dance. It is a roadblock. I always wanna do that. Me say fi line up for me that it dance. It is a roadblock. I always wanna do that. Me say fi line up a line. Toujours Salvage Sound de contrôle, c'était Salomon Heritage. Hey yo, hey yo, Delta Sonic, Sam T, big up AFK. Ok, listen this tune. Du trad et du dub. on revient sur les Welders Hi-Fi, Massive Dub Corporation. Big Stepper. Salvage Sound System. Ah boy! Toujours Salvage. Yeah man, they want your inspirational dub, you know, from the Teddy String Studio in Leeds, you know, from the ghetto, Chapelton, you know. Down there, but I want to live a Satan life. Okay, Mark Harrison, but I want to live a Babylon weird. Down there, but I want to follow a politician life. Down there, because them are corrupted. Salvage Sound System. Down there. Another man's life, we down there. A shoot and a stab a one another down there. Pure one among them a preach down there. Suicide bomb a kill the innocent there. Me the one take a dreadful life down there. Yeah. Rasta Liberty, we living up there. Toujours Salvage Sound sur Radio Campus. Ah, boum, Salvage Sound dans la sélection. Écoute, écoute. On va de plus en plus du sale. Hey yo! Ok, petite exclusive. Celle-là, on l'a fait jamais. On l'a jamais faite. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Waouh, waouh, waouh, waouh. Ok, ok, ok. Low, low, low, low, low, low, low. Pull up, pull up, pull up, pull up. Je suis pas parti, désolé. Ok. Sure. Yes. Ok, on l'a fait jamais, on a dit. C'est la première, c'est la première. C'est la première fois qu'on l'a fait. Ok. Salvage Sound System. Radio Campus, Campus Hi-Fi, big up les gars, on est sur la fin là. Bidim Tuffa. Je me représente dans l'esprit de ma population. Autre chose que des mensonges pour nourrir nos consciences. D'autres occupations pour relâcher la pression. Parle de préoccupations pour faire tomber l'ignorance. Si t'es pas raciste, rentre dans la partie de Jumanji. Pense à ceux qui ne seront jamais jeunes. J'aime ce truc donc je m'échine. Fume notre herbe, ne marchande pas la mèche. Prêt à foutre le feu comme ça la mèche. Depuis son départ c'est pas la même. Avant dans le vide tout comme un mime. Avant dans le vide tout comme un mime. Salvage Sound retombe sur ses pattes. Salvage Sound retombe sur ses pattes. Pattes, pattes, pattes, pattes, pattes, pattes, pattes, pattes. Il n'y a pas de salut pour qui confond richesse et pouvoir. Rappelons que dans ce monde l'important est d'être et non d'avoir. Les pièces et les vifs qu'on pèse trop lourd pour rester sage. Pourtant ce sont les plus riches qui de nos lois écrivent les pages. Mais où sont-ils élevés pour mettre à mal tous nos espoirs de voir un jour la paix et le respect dans nos territoires. Alors qu'ils volent le sang de la terre, prennent nos héritages pour se remplir les poches et s'engraisser sans aucun partage. De d'autres ondes dans l'esprit de ma population. Autre chose que des mensonges pour nourrir nos consciences. D'autres occupations pour relâcher la pression. Parler de préoccupations pour faire tomber l'ignorance. Écoute, la basse mélange bien aux mots parfois. Ces mots viennent de la rage que je porte en moi. Les têtes de ce système sont bien trop hautes pour porter nos voix. Alors on tape le son pour crier nos convictions. Notre foi, une autre fois encore, c'est le peuple que l'on noie sous les mensonges et les dettes. Mais de quel droit on donne notre sang pour payer, financer du cas? Sommes-nous les responsables du profit de ces pauvres? Sommes-nous les responsables? Un petit peu je crois. Allez, faut se bouger le cul les gars. La révolution c'est pour bientôt, chaud. Salvage Sound System, ok la petite dernière. C'est Wilderness. Ça vient de Ethno Radub, le mec qui est en Amérique du Sud là-bas. Le fameux quatrième. Ouais, il nous pond des prods de malade. Alors du coup, bah voilà, on en met une petite pour finir. Ok, Salvage Sound System. Radio Campus. Yes. We'll be right back. Yes, c'était Savage Sound sur Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier à l'instant. Merci les gars. Merci à vous les gars, c'était super lourd. On se retrouve mardi 9 avril à l'Audivier. Et nous on se retrouve le mois prochain, Romain, avec exactement. Avec une autre grosse session, mais on en dira plus sur la page Facebook qu'il faut aller suivre. Allez suivre aussi celle de Salvage Sound. Merci à vous les gars d'être venus. Merci à toi Romain pour ton agenda. Merci à Yannis, à Ludo. Merci à Tom à la technique. Et merci à toi Cédric. Et je fais un petit big up aussi à Maxime de South Attack que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Je lui avais dit que j'en ferai un. Voilà. Et on va terminer l'émission là-dessus. On se retrouve le 4e lundi d'avril. Dans Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier à la même heure. Avec toute l'équipe. Yes, I. C'était Campus Hi-Fi. Passez une bonne soirée sur Radio Campus Montpellier. Ciao, ciao.